La seule chose qu'il mérite, c'est d'aller à Cayenne. Ouais. Radio Cayenne. Oui, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. On est le lundi 29 avril 2019. Et donc, on va continuer par vous parler un petit peu de ce qui se passe à la fac de Nantes. Donc par rapport à la lutte contre le décret Bienvenue en France, entre guillemets, donc qui consiste en la multiplication par 16 des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes extra-communautaires. Donc pour donner un petit peu un exemple, les frais d'inscription en licence passent pour ces personnes de 170 à 2 770 € et en master de 243 à 3 770 €. Donc voilà. Donc ce décret, il a été publié le dimanche 21 avril. Et donc voilà. Donc c'est un truc qui s'inscrit évidemment dans tout un processus de réforme à la fac, dont la loi ORE, donc organisation et responsabilité de l'enseignement, si je ne m'abuse. Donc ça, c'était la lutte notamment qui a pas mal fait parler d'elle l'année dernière. Donc c'était avec tout ce qui concernait la mise en place de Parcoursup. Donc voilà, tout ça rentre dans une remise en cause plus générale des notions d'égalité et de faible coût des études, qui étaient censés être des principes fondamentaux de l'université publique en France. Donc voilà. La lutte contre ce décret, ce décret de hausse des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes extra-communautaires, elle a déjà été l'occasion de quelques victoires nationales et locales. Alors notamment, on peut penser aux facs qui ont fait le choix de ne pas augmenter ses frais d'inscription malgré le décret. Bon, dans les faits, voilà, ça ne change rien au fond, quoi. Ce décret est là et il est applicable par les universités. Alors dans les petites victoires qui ont été obtenues grâce à la lutte, il y a l'augmentation des frais en doctorat qui a été annulée. Alors un petit peu pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire que quand on veut attirer des doctorants et des doctorantes étrangers-étrangères, c'est un petit peu compliqué de faire à ce point exploser les droits d'inscription. C'était un petit peu quelque chose qui mettait en danger les labos universitaires. Voilà. Il y a eu aussi un recul sur l'augmentation pour les étudiants non européens déjà en France. Alors, ces victoires, elles prouvent que la mobilisation, elle paye. Et que les luttes des étudiants et des étudiantes et des personnels de l'université, la pression qui a été mise sur les présidences d'université a poussé ces dernières à agir. Alors, à Nantes, ça a été un petit peu particulier parce qu'on, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une grève de la faim. Il y a quelques semaines de ça, on avait accueilli certaines des camarades qui avaient participé on les avait accueillis à Radio Cayenne il y a quelques temps. Donc cette grève de la faim s'était terminée par une intervention des flics armés et cagoulés à l'intérieur d'un bâtiment universitaire sur les aires d'ouverture à Nantes. Mais ça a quand même obligé à transformer cette augmentation en exonération officielle votée en conseil d'administration de la fac de Nantes. On peut se dire aussi que ce recul, il est un petit peu lié aussi à une crainte que la mobilisation qu'il y a eu l'année dernière contre la loi ORE et notamment aussi le blocus et l'occupation d'un étage entier du bâtiment de Sensive l'année dernière. Donc voilà, on peut se dire que ça a motivé Olivier Labou, donc le président de la fac de Nantes, à agir un peu plus rapidement. contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière. Cela dit, depuis, faute d'action un petit peu, on va dire, efficace, là, pour dire clairement les choses, depuis quelques semaines, ça a été des rassemblements sur les heures où il n'y avait pas cours, sur la pause déjeuner, pour que personne ne rate les cours. Bah, tout ça n'a pas permis de mobiliser plus de quelques dizaines d'étudiants et d'étudiantes, malgré le fait que ce décret soit massivement impopulaire. Alors, on peut mettre ça aussi un petit peu en relation avec la mobilisation contre le plan Blanquer et son, alors, ouvrez les guillemets, école de la confiance. On parle encore de confiance. Confiance, crois en moi. Et voilà. Donc il y a eu des assemblées générales qui sont tenues, notamment à la fac, avec plus de 400 personnes présentes. Donc voilà. Et du coup, cet AG a un petit peu pris acte de cette inefficacité qui viendrait du fait juste de recevoir des injonctions sur des modes d'action qui viendraient de la présidence de la fac notamment. Et c'est en ce sens que ce lundi, une assemblée générale à la fac de Nantes a décidé d'un blocus reconductible jusqu'à abandon du décret en question. Donc sur la hausse des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes extra-communautaires. Donc apparemment, il y a un recours qui a été aussi déposé devant le Conseil d'État par plusieurs associations et syndicats, dont l'UNEF et le syndicat des avocats de France. Donc voilà, l'AG de Nantes soutient cette initiative. L'AG a aussi mis tout ça dans le contexte de lutte pour le service public de l'éducation. Enfin, de l'éducation et le service public d'une façon générale, mis à l'exception évidemment de la police et de l'armée qui apparemment sont le dernier rempart de la politique ultralibérale et néocoloniale de l'État français. L'AG appelle à se joindre à la manifestation du 1er mai et à la journée de grève unitaire organisée le 9 mai dans le secteur public, ainsi qu'à la manif nationale des Gilets jaunes du samedi 11 mai qui se tiendra à Nantes. Voilà. Il est fait un petit peu le parallèle avec la lutte contre la loi de Vaquer en 1986 qui portait également sur l'augmentation des frais d'inscription. Pour rappel, ça s'était soldé par, alors certes, un recul du gouvernement de l'époque. Mais aussi par le meurtre de Malik Oussekine par un voltigeur de la police de Pasqua. Alors cette hausse des frais d'inscription concentrée sur les étudiants et étudiantes extra-communautaires, on sait très bien, notamment grâce aux fuites qu'il y avait eu en septembre dernier, ce qu'on a appelé les Macron Leaks, que cette augmentation, c'était juste une étape vers une augmentation générale des frais d'inscription pour tous et toutes les étudiants et étudiantes. Donc, comme d'habitude, c'est la stratégie de saucissonner un petit peu les cibles en commençant par les personnes les plus, on va dire, potentiellement faibles et isolées pour l'élargir ensuite à un peu tout le monde. Voilà. Donc, puis bon, c'est un peu intéressant de faire le parallèle aussi avec la lutte de 1986 contre le plan de Vaquer, parce que dernièrement, ces dernières années, on a aussi le retour des voltigeurs à moto et d'une façon générale l'augmentation de la répression policière sur tous ces mouvements sociaux. Donc voilà, alors là je me base un petit peu sur un article qui a été publié par l'AG de la fac, qui est publié sur nantes.indymedia.org et qui finit donc par en disant qu'il faut reprendre les bonnes vieilles méthodes, les seules qui ont fait leur preuve. Et bah oui, voilà, la fac sera bloquée tant que le décret ne sera pas retiré. Et il y a une invitation à tous et toutes de se joindre à ce mouvement. Et donc c'est bien le décret qui doit tomber et que oui, il y a des victoires locales et des exonérations temporaires, mais on sait très bien que ça, ce sont des stratégies du pouvoir d'une façon générale pour temporiser, faire accepter et revenir un peu plus discrètement dans quelques mois, quelques années pour faire passer ces choses. Donc je pense que si vous avez envie de passer sur le campus Tertre bloqué pour apporter votre soutien, que vous soyez étudiant, étudiante ou pas, c'est toujours bienvenu. On peut peut-être passer un tout petit peu de musique avant de passer à la suite. Aucune discipline. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder Ah oui, s'ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Radio Cayenne. La radio. Qui préfère foutre le bordel plutôt que de se trouver une place. It's 12 a.m. and the power's out. Open up your soul.